Donc on y va, inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 18 dans la lecture du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara' fil Kitab wa Sunnah, la réalité de l'alliance et du désaveu dans le Coran et dans la Sunnah. Et c'est un livre écrit par le docteur Sheikh Issam ibn Abdullah Sinani et qui a été relu et préfacé par le Sheikh Ma'ali et Sheikh Dr. Saleh ibn Fawzan al-Fawzan. عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. Donc on est arrivé au cours 18 comme je disais et on est au principe numéro 5 parmi les différents principes qui sont mentionnés pour répondre aux shubuhat qui sont propagées au sujet du takfir par rapport à la question de al-wala wal-bara. Et donc on est toujours dans le point numéro 6 parmi les différents sujets qui sont ramenés, qui sont le point numéro 6 qui est une réponse en 14 points, 14 principes qui réfutent certaines shubuhat qui ont rapport avec le takfir et que les gens de Bid'a et les takfiriyin et les khawarij utilisent pour essayer de faire le takfir des musulmans ou des dirigeants. Il se base sur la question de al-wala wal-bara pour faire ça. Donc là maintenant, juste pour faire un retour sur le cours dernier, c'était le principe numéro 4. On avait parlé du fait que différents pays ont différentes attitudes ou différentes positions par rapport à la question de al-mu'alat et que lorsque la situation des pays musulmans n'est pas un état d'unité, que tous les pays musulmans ne sont pas unis derrière un seul dirigeant, eh bien l'attitude ou le comportement de chaque pays musulman va être différent selon sa situation, et si elle a des ententes de paix avec les pays non musulmans ou non. Donc on ne peut pas blâmer un pays par exemple de ne pas venir en aide à un autre pays musulman qui est en difficulté ou en état de guerre avec un autre pays non musulman si ce pays musulman là il est par exemple en entente de paix avec ce pays. On ne peut pas venir en aide nécessairement directement militairement contre ce pays non musulman puisqu'il y a des ententes de paix qui sont établies entre lui et ce pays-là, entre ce pays et l'autre, et donc qui empêchent qu'il y ait justement des interventions militaires. Donc on a parlé de ça. Puis, un point important à mentionner à ce sujet-là, c'est que il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'en ce moment, actuellement, dans les pays musulmans, dans le monde, je pense, Allahu A'lam, à moins que je me trompe, d'après ce que j'ai d'après ce que je sais par rapport à ces questions-là qui ont rapport avec, avec les ententes internationales et la politique internationale et tout, que actuellement tous les pays musulmans ont des ententes de paix avec les pays non musulmans. Il n'y a pas un pays musulman actuellement qui est officiellement en guerre contre un pays non musulman. À ma connaissance, il n'y a pas de pays actuellement qui sont des pays musulmans qui ont une guerre qui est déclarée de manière officielle, c'est-à-dire que le gouvernement de ce pays-là et le gouvernement qui est au pouvoir actuellement a déclaré de façon officielle et ouverte la guerre contre un pays non musulman. J'en connais pas. Et à ma connaissance, il n'y en a pas. Parce que tous les pays musulmans actuellement, même la Palestine et les autres pays où il y a parfois des conflits, ils ont des ententes de paix actuellement. Donc, ils doivent respecter ces ententes de paix-là. Et c'est pas un groupe qui décide s'ils sont en guerre ou non dans ce pays. S'il y a un gouvernement qui a établi des ententes, eh bien, il n'y a pas un groupe dans le pays qui a le droit de changer ce statut-là ou de décider par eux-mêmes si l'entente continue ou non, ou si la paix est établie ou non. Parce que c'est ça ce qu'on trouve dans certains pays musulmans. Il y a des groupes armés parfois qui troublent la paix et puis qui parfois vont faire des agressions militaires ou des attaques contre des pays non musulmans sans qu'ils détiennent d'autorité ou de pouvoir officiel. Et ces groupes-là, en général, ils ne tiennent pas compte des ententes qui ont été signées et du respect de ces ententes-là. Donc c'est eux qui causent souvent la fitna dans les pays musulmans. Donc ça, c'est un point important à mentionner justement en partant. Donc on va continuer avec le point numéro 5. Le point numéro 5 d'aujourd'hui, on va parler de l'état des différents pays. Des différents pays par rapport au fait qu'ils soient des pays musulmans ou des pays de kouf ou des pays de shirk ou des pays de bid'a et comment on détermine qu'un pays, par exemple, il est un pays, comme on dit, dar harb ou dar silm, okay, un pays qui est en guerre ou un pays qui n'est pas en guerre. Un pays qui est musulman ou un pays qui n'est pas musulman, et comment on applique les règles de al-wala ou al-bara selon ces différentes situations-là. Et le cheikh, il va mentionner plusieurs points qui ont rapport à cette question-là pour faire comprendre qu'il y a des nuances dans la manière dont on doit appliquer al-wala ou al-bara en ce qui concerne actuellement les différents pays musulmans. Donc il faut comprendre que actuellement il y a des situations assez compliquées parfois dans certains pays musulmans, puis qu'il faut tenir compte de ces différentes situations là dans l'application de la loi al-bara et non pas penser qu'on peut à notre époque appliquer les principes de la loi al-bara de manière absolue. Il faut tenir compte de la réalité et de la situation de certains de ces pays là qui ont parfois dans leur situation des éléments qui font que il y aura des applications de la loi al-bara qui seront pas toutes au même niveau. En tout cas, vous allez peut-être comprendre un peu plus lorsque on va lire ensemble le texte puis qu'on va donner les exemples que le cheikh a donné. Et le sujet en question, il est assez compliqué. Il est assez compliqué, assez soutenu. Donc, il faut vraiment se concentrer pour essayer de comprendre l'affaire comme il faut. Et puis c'est des principes qui sont établis par rapport à des explications du ulama. Donc, le plus important, c'est juste d'essayer de comprendre les points et les principes mentionnés. Et en ce qui concerne l'application de ces points-là dans des cas concrets de qu'est-ce qui se passe actuellement, ça c'est une autre question qui est un petit peu plus compliquée par rapport à ça, parce que ça, ça prend un niveau. Yani, c'est les ulama qui sont capables de, d'arriver à ça. Donc, nous, on va se contenter. La seule chose qu'on va faire, on va essayer de se contenter juste de comprendre la question de façon générale, puis d'essayer de comprendre en fait le point qu'il y a, il y a des différences entre les différents pays, puis qu'il faut tenir compte de ça. Donc, le cheikh, il dit ici, Wahua. Donc le point numéro 5, il dit, c'est que وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْبِلَادَ الْمُنْتَسِبَةِ لِلْإِسْلَامِ هَذِهِ الْبِلَادَ الْمُنْتَسِبَةِ لِلْإِسْلَامِ مُخْتَلِفَةٌ فِي أَحْوَالِهَا مِنْ حَيْثُ انْتِبَاقِ أَحْكَامِ الْمُوَلَاةِ وَالْمُعَادَاتِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ عَدَمِ جَرَيَانِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ أَوْ غَالِبَهَا فِي تَشْرِيعَاتِهَا أو بسبب ظهور شرك الألوهية فيها من دعاء المقبورين والطواغيت وجعلهم وسائط بينهم وبين الله من غير نكير من قبل أهلها عامة أو علماء أو حكام بل ربما لو أنكر أهل التوحيد والسنة لو أنكر أهل التوحيد والسنة فيهم نبذوا بالوهابية أو الخوارج أو المذهب الخامس فينطبق على كثير من هؤلاء في زماننا ما قاله الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لما حضرته الوفاة وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ثم ذكر في المسائل المسألة الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم ثم قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام انتهى كلامه. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh cheikh Abdullah Sinani, il explique que les différents pays qui s'apparentent à l'islam aujourd'hui sont différents dans leur état et dans la façon dont s'appliquent sur ces pays-là les différentes règles qui ont rapport avec Al-Mu'ala et Al-Mu'ada, donc qui ont rapport avec l'alliance et le désaveu, l'amour et la haine. Et la raison des différences qui existent par rapport à ces différents pays-là dans l'application des règles d'Al-Wala ou Al-Bara, c'est à cause justement du fait que ce ne sont pas toujours toutes les règles de l'islam qui sont appliquées dans ces pays-là. Parfois, dans certains des pays musulmans actuellement, la plupart des règles de l'islam ne sont pas appliquées. Et parfois, c'est certaines des règles de l'islam qui ne sont pas appliquées. Ou à cause du fait que dans certains de ces pays-là, on va constater on va constater qu'il y a des manifestations de shirk dans l'adoration qui sont pratiquées de la part des habitants du pays et qui sont acceptées des fois dans certains pays, comme par exemple le fait qu'on trouve des tombeaux qui sont adorés et des gens qui adorent les morts et qui adorent des tombeaux et qui les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah. et sans que personne ne dénonce ce genre de comportement ou ce genre de pratique de shirk de la part des habitants, que ce soit au niveau des habitants du commun dans le pays ou de la part des savants de ce pays-là ou de la part des dirigeants. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui dénonce ces actes de shirk dans certains de ces pays musulmans. Et le cheikh, il dit que même que dans ces pays-là, si quelqu'un dénonce ou critique ce qui est fait par de ces exemples de shirk, et que les gens du tawhid et les gens de la sunna qui sont dans ce pays commencent à réfuter ou critiquer ceux qui font ces actes-là, eh bien automatiquement ils sont, on leur donne des surnoms hein, et des sobriquets, et on les traite de wahhabiyya, ou bien on les traite de khawarij, ou bien on les accuse de vouloir faire un cinquième madhab, comme c'est yani le cas de la part de certains yani, individus ignorants ou qui suivent la passion, qui accusent les gens qui suivent la sunna et le tawhid et qui appellent à la voix des salafs, on les accuse de vouloir créer un cinquième madhab. Hein. Donc, le cheikh, il dit que pour beaucoup d'entre ces individus aujourd'hui et d'entre ces personnes qui agissent de cette façon envers les gens du tawhid, on peut appliquer sur eux qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le réformateur, a dit dans son livre Kitab al-Tawhid, lorsqu'il a parlé dans le chapitre au sujet du verset d'Allah, le verset dans le Coran, le verset 56 dans Surat al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il est celui qui est mieux connaissant de ceux qui sont bien guidés. » Donc, il a cité comme titre d'un chapitre ce verset dans le Coran. Et puis ensuite, dans l'explication, il a mentionné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son oncle Abu Talib, lorsque Abu Talib yani, était proche de la mort, sur son lit de mort, il est entré pour le voir, pour l'inviter à l'islam. Mais il avait déjà en sa présence yani, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Donc quand il est rentré, il a vu son oncle, il a dit « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah ». C'est-à-dire dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est une parole par laquelle je vais argumenter en ta faveur auprès d'Allah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, eh bien Abu Talib et celui qui était avec lui, les deux ont dit, Abu Jahl et celui qui était avec lui, les deux ont dit à Abu Talib, est-ce que tu désires quitter ou chercher autre chose que la religion de ton père, c'est-à-dire Abdul Muttalib, l'adoration des idoles? Et donc ça c'est dans le hadith qui est bien connu, qui est rapporté par Al-Bukhari à ce sujet, et également dans le sahih de l'imam Muslim, on retrouve aussi ce hadith-là. Et donc, le cheikh, il mentionne cet exemple-là, puis il dit ensuite que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a mentionné à la suite, comme point parmi les différents points bénéfiques qu'on peut tirer de ce chapitre, le point numéro 3. Et le point numéro 3, c'est que la grande question, la grande affaire, la grande question qui est reliée à ce chapitre, c'est l'interprétation ou l'explication de la signification de la parole dit « La ilaha illallah ». Il dit contrairement à ce que contrairement à ce sur quoi se tiennent les gens qui prétendent la science aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il fait allusion au fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, parmi les gens qui prétendent posséder de la science de l'islam, qui pensent connaître la signification de la ilaha illallah, et pourtant, ils acceptent que le shirk soit pratiqué, hein, et qu'on adore des morts et des tombes. Et ils pensent que ça c'est quelque chose qui est permis en islam. Et ils argumentent en faveur de ce genre de pratique. Et ils essaient de défendre ce genre de choses. Hein? Et ils pensent que c'est quelque chose de bien. Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, ils connaissent même pas la signification de la ilaha illallah et ils prétendent à la science. Puis, comme point numéro 4, il dit que Abu Jahl et ceux qui étaient avec lui connaissaient la signification de ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dis la ilaha illallah ». C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle de dire « Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah », Abu Jahl et son compagnon, Abdullah ibn Umayya, ils ont tout de suite rétorqué et répondu « Est-ce que tu veux abandonner la religion de Abdul Muttalib ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont compris la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « La ilaha illallah » et ils ont compris que le fait de dire « La ilaha illallah » ça impliquait le fait d'abandonner la religion de l'idolâtrie et des idoles et de l'adoration des idoles. Donc, tout de suite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dites la ilaha illallah », Abu Jahl, il a répondu automatiquement en disant « Est-ce que tu veux abandonner la religion de ton grand-père ou de ton père, celui qui adorait les idoles ?» Et c'est pour dire que Abu Jahl et son compagnon, et beaucoup d'entre les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenaient la signification de la ilaha illallah, que ça signifie que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah. Tandis qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent musulmans répètent la ilaha illallah et pourtant ils adorent d'autres que Allah. Et ils font le shirk. Donc, le cheikh, il mentionne cet exemple-là, puis il dit que Allah maudisse celui que Abu Jahl est plus savant que lui des fondements de l'islam. C'est-à-dire que Abu Jahl, il avait plus de compréhension et plus de connaissance de ce que signifie La ilaha illallah et de ce que implique la ilaha illallah que certains d'entre les gens aujourd'hui à notre époque qui prétendent être musulmans et qui disent la ilaha illallah hein, jour et nuit sans arrêt et pourtant qui adorent d'autres que Allah hein, dans les moments de d'aisance et dans les moments de détresse et qui se tournent vers les morts et les tombes hein, pour chercher le refuge et de l'aide ou autre. Donc ça c'est un exemple que le cheikh a cité, c'est pour dire que l'état de certains de ces musulmans-là qui sont dans les pays musulmans aujourd'hui, on peut appliquer cet exemple-là sur eux. Hein, ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit, ça s'applique parfaitement sur eux. Donc ça c'est la fin de la citation de la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ici. Et ensuite il dit « Wa qala al-sheikh Ishaq ibn Abdurrahman » ابن حسن آل الشيخ في الدرر السنية وهو يتكلم عن إظهار الدين الصارف عن وجوب الهجرة فاعلم أن إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأصحاب هو إظهار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة في بلد يخفى فيه بل يجعل ضده هو الدين ومن تكلم به هو الوهابي الخارجي صاحب المذهب الخامس الذي يكفر الأمة انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il dit que le cheikh Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh il dit dans son livre Ad-Durar al-Saniyah le volume 12 à la page 417 alors qu'il parle de la condition de Idhar al-Din, c'est-à-dire de montrer la religion parmi les conditions qui, ou parmi les éléments qui fait que quelqu'un n'est plus obligé de faire la hijra, ça c'est un des éléments fondamentaux à prendre en considération dans cette question-là, c'est-à-dire la question de Idhar al-Din. Idhar al-Din, c'est-à-dire de montrer sa religion, hein, d'exprimer et de montrer extérieurement sa religion et qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste de montrer sa religion parce que parfois certaines personnes ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire montrer sa religion. Est-ce que ça veut dire aller à la mosquée, prier, ou bien faire le jeûne du Ramadan? Est-ce que ça suffit? Hein? En quoi ça consiste exactement? Donc le cheikh, il dit, il cite la parole de ce cheikh, Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hassan, à ce sujet-là. Il dit, sache que de montrer sa religion dans l'expression de Al-Muwaffaq, et ici Al-Muwaffaq, c'est l'imam Muwaffaq al-Din Ibn Qudama al-Maqdisi, le grand savant de fiqh, hein, le grand savant Hanbali, qui a écrit le livre Al-Mughni. Et il dit donc, dans l'expression de Al-Muwaffaq et de celui qui était avant lui, et de ceux qui sont venus après lui parmi les compagnons, c'est-à-dire parmi les savants du madhab al-Hanbali, il dit que c'est de montrer le tawhid, qui consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala et à rendre l'adoration exclusive pour Allah seul, hein, de faire en sorte que l'adoration soit pour Allah seul et qu'elle soit exclusive à Allah dans un pays dans lequel elle est cachée, c'est-à-dire dans un pays dans lequel l'islam ou l'adoration d'Allah seul, elle est cachée, ou dans un pays dans lequel la religion, c'est le contraire du tawhid. Donc, de montrer sa religion, c'est d'exprimer le tawhid d'Allah, c'est-à-dire d'exprimer que l'adoration doit être uniquement pour Allah seul, dans un pays dans lequel cette chose-là, elle n'est pas visible, ou elle n'est pas apparente, elle est cachée, ou dans un pays où c'est le contraire de ça qui est la religion, c'est-à-dire que dans un pays dans lequel la religion, c'est le shirk. Donc, quand tu veux montrer ta religion dans un pays de shirk ou dans un pays de kufr, eh bien, montrer sa religion, ça ne veut pas seulement dire prier ou jeûner, mais ça veut dire de montrer le tawhid et d'appeler au tawhid, hein, et de pratiquer le tawhid. Et il dit ensuite, وَمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ, donc, il continue à décrire les pays dans lesquels la religion, c'est le contraire du tawhid. Il dit, c'est des pays dans lesquels celui qui exprime, qui parle du tawhid, il est appelé wahhabi, ou il est appelé khariji, ou il est appelé la personne qui a un cinquième madhab, et qui déclare la umma kuffar. Donc ça, c'est tous les mensonges et les faux briquets, les sobriquets, les fausses paroles que les gens transmettent ou disent au sujet de ceux qui suivent la voie des salafs, la compréhension des salafs dans les questions qui ont rapport avec le tawhid et les fondements de la religion et la sunna. Donc le cheikh, il dit, dans ces pays-là, c'est comme ça que celui qui est sur la sunna, il va être considéré. On va l'appeler wahhabi ou khariji, ou qu'il veut avoir, il suit un cinquième madhab parmi les madhahib, comme si en voulant dire son madhab, c'est autre que celui de Malik et Abu Hanifa, Malik, Shafi'i ou Ahmad. Hein, il veut ramener un cinquième, ou bien qu'il déclare la umma kufa. Et on a parlé de ça dans les cours précédents, parce que pour eux, yani, le musulman, c'est celui qui adore les morts, qui adore les tombes. Donc pour eux, si tu déclares celui qui adore les morts et les tombes en disant que c'est un mushrik ou un kafir, ils vont dire, ah, dans ce cas-là, tu déclares la umma kufa. Ça, c'est les shubuhat que ces gens-là propagent à propos des gens qui appellent au tawhid. Et donc, il y a ça. Puis, donc c'est ça. Donc, après, le cheikh, il dit, « Izan, fatanzilu nusus al-wala'i wal-bara'i li ahli l'iman. » Donc, on a fini la citation. Maintenant, le cheikh, il explique. Il dit, « Izan, فتنزيل نصوص الولاء والبراء لأهل الإيمان والتوحيد الخالص على مثل أحوال هذه البلاد على الإطلاق دون تفصيل في أحوال أهلها أمر فيه مناقضة لأهل الولاء والبراء على التوحيد والإيمان والشريعة وإلا فهل يصح عند من عقل أن نطبق أحكام الولاء والبراء وما يترتب عليها من إسلام وردة على حال حاكم العراق في عصرنا هذا حينما غزته الجيوش النصرانية للإحاطة به، فنجعل عدم نصرته أو عدم مواجهة الغزاة النصارى المحاربين له ردة لمجرد أن بعض شعبه من أهل السنة مع أنه يحكم بحكم حزب البعث الطاغوتي، وطوائف كثيرة من شعبه ليسوا من أهل الإسلام والسنة. ولا يعني هنا أننا نقرر تأييد ظلم هؤلاء النصارى وما يخططون له لحرب بلاد المسلمين، لكن مقصود الكلام على أن حال حاكم العراق وبلاده غير الحالة التي يترتب عليها أحكام الولاء والبراء المطلق لأهل الإيمان الخالص. ولنستعرض بعض أقوال العلماء في أحوال مشابهة في زمنهم. Donc le cheikh il explique que après avoir mentionné les exemples qu'on a mentionnés par rapport à la question de qu'est-ce qu'on a mentionné par rapport à l'état de qu'est-ce qui se passe dans certains pays musulmans aujourd'hui qui dans lesquels on retrouve du shirk, dans lesquels on retrouve l'adoration des tombes, des morts et des choses de ce genre. Ça, c'était juste un exemple pour faire comprendre que la réalité des pays musulmans actuellement, elle n'est pas une réalité qui est pure à 100%. C'est-à-dire que c'est pas une réalité des pays qui sont 100% sur le tawhid et sur la sunna et qui sont corrects et donc qu'on doit appliquer avec ces pays-là al-wala wal-bara de façon absolue 100%. Hein? Et donc le cheikh il explique ça, il dit donc que est-ce que dans ce cas-là l'application des textes de al-wala wal-bara comme Allah nous ordonne de l'appliquer envers les gens de la foi et du tawhid pur, on peut les appliquer sur des situations sur des situations de qu'est-ce qui se passe dans certains pays qui sont dans des situations semblables à celles qu'on a décrites par rapport à ce qu'on voit dans les différentes manifestations de chiites dans certains pays musulmans. Donc que ça, est-ce que malgré ça on applique les règles de Al-Wala Wal-Bara de façon absolue et générale sans détailler et sans rentrer dans les détails de la situation ou de l'état des habitants de ces différents pays-là? Donc, le cheikh il dit ça, c'est une attitude, c'est une chose qui est en contradiction avec les fondements de Al-Wala Wal-Bara et du Tawhid et de la foi et de la charia. Parce qu'on sait que on doit agir selon Al-Wala Wal-Bara, le principe de Al-Wala Wal-Bara, on doit agir avec chacun selon sa foi, selon son Tawhid, selon son attachement à la Sunna, selon son attachement à la charia. Et donc, on ne peut pas traiter tous les pays musulmans de la même manière ou avoir une attitude pareille à tous, avec tous ces différents pays-là sans prendre en considération justement la réalité dans laquelle ils sont. Donc, le cheikh, il donne comme exemple, il dit, sinon, est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui réfléchit qu'on applique Al-Wala Wal-Bara avec tout ce que ça comprend, tout ce qui a comme conséquence par rapport à ça dans les règles de l'islam, dans ce qui a rapport avec l'apostasie sur l'état par exemple de l'ancien dirigeant de l'Irak par exemple Saddam Hussein à l'époque, parce qu'il a écrit ce livre-là à l'époque, donc il se référait à cette époque-là. Il dit que lorsque par exemple les armées chrétiennes des chrétiens, c'est-à-dire les pays des chrétiens de l'Europe et de l'Amérique ont attaqué l'Irak, donc est-ce qu'on va appliquer les principes de Al-Wala Wal-Bara de façon absolue sur la question de l'Irak par rapport au fait qu'ils sont attaqués par des armées chrétiennes, qu'ils sont encerclés par les armées des chrétiens, et donc on fait que Et donc on va considérer que celui qui ne vient pas en aide à l'Irak à ce moment-là et qui n'attaque pas les armées chrétiennes qui sont en guerre contre lui, on va considérer que ça c'est une forme d'apostasie, juste parce que certaines parties du peuple de l'Irak font partie des gens de Ahl-Sunnah, alors qu'on sait très bien que le gouvernement qui dirige l'Irak est un parti communiste, socialiste, hein, qui décrit comme étant Tarouti, ce qui se base sur le Tarout pour juger. Donc c'est un pays qui était socialiste, qui suivait le parti qu'on appelle le parti Baath, et le parti Baath c'est un parti communiste socialiste, hein, qui rejette la charia, hein, qui prône la laïcité et des choses de ce genre. Et ensuite il dit, il y a différents groupes parmi le peuple, même qui ne sont pas parmi les gens de l'islam, ni de la sunna. On sait qu'il y a des rafida là-bas, on sait qu'il y a des juifs, on sait qu'il y a des chrétiens. Donc, le cheikh, il dit, est-ce que donc on va considérer que tous ceux qui n'ont pas aidé l'Irak au moment de l'attaque des pays occidentaux contre l'Irak, que c'était des pays apostats? Et donc le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que ça, c'est pas logique, que c'est pas correct de penser de cette façon-là et de juger de cette façon-là, parce qu'il faut tenir compte de la réalité, du fait que le gouvernement là-bas, c'est pas un gouvernement musulman, c'est un gouvernement socialiste, et le dirigeant de ce pays-là, c'est un socialiste, communiste aussi, et qu'une grande partie de la population, même s'il y a quand même des gens d'Ahl-Sunna, mais la grande partie de la population quand même sont des gens qui sont sur la voie des Rafida, donc ce ne sont pas des musulmans, et il y en a d'autres qui sont aussi des chrétiens ou des juifs, donc ils ne font pas partie des musulmans. Donc on ne peut pas traiter ce pays-là comme si c'était un pays qui était 100% sur le tawhid et sur la sunna et agir avec eux de la même manière que si c'était un pays qui est sur le tawhid et sur la sunna, hein, et sur l'islam. Donc ensuite, le cheikh il dit, et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord et qu'on supporte l'injustice de la part de ces chrétiens-là qui a été faite contre ce pays pour combattre les pays musulmans. Ça ne veut pas dire qu'on justifie ça ou qu'on est d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'on essaie de faire comprendre ici, c'est que l'État, la situation du gouverneur, du dirigeant de l'Irak et de son pays n'est pas un État qui fait qu'on peut appliquer les règles de Al-Wala ou Al-Bara de façon absolue, hein, et complète, hein, qu'on appliquerait sur les gens qui ont la foi pure, qui ont une compréhension et une application du Tawhid, hein, qui serait à 100% par exemple. Et donc le cheikh il dit qu'on va donner des exemples, des paroles des ulama qui montrent comment ils ont parlé ou jugé au sujet de certains pays à leur époque qui étaient semblables à la situation de l'Irak, par exemple. Parce qu'à travers l'histoire de l'islam, il y a eu des situations où il y a certaines régions dans les pays musulmans étaient dans des cas ou des états qui étaient semblables à celles de l'Irak. Et donc, il va donner des exemples de paroles des ulama qui montrent comment les savants de ces époques-là ont jugé par rapport à ces situations-là. Et comment ils n'appliquaient pas le verdict de l'islam ou de Al-Wala ou Al-Bara de façon absolue dans des cas comme ça. Mais qu'il y avait des nuances à prendre en considération. Parce que quand tu entends parfois la parole des Hizbiyyin à notre époque ou de certains Takfiriyyin, quand ils parlent de l'Irak ou de d'autres pays comme ça, qui sont dans des situations semblables, ils vont dire, ah, comment ça se fait que dans tel pays les musulmans ils ont dans tel pays ils ont laissé les Américains ou tel par exemple attaquer l'Irak, ils sont pas allés en aide à leurs frères en Irak et ci et ça, comme s'ils prennent pas en considération la réalité de la situation du pays, du gouvernement, et de la situation du pays et de ses habitants et de leur position par rapport au tawhid et à la, leur position par rapport à la sunna, les croyances ou les idéologies qui sont prônées par le gouvernement ou par la par le système de ces pays-là. Donc il faut tenir tout ça en compte, hein. Il faut pas faire semblant comme si que c'était un pays qui était 100% sur le tawhid, qui applique la charia, qui combat les bid'a et qui est contre l'égarement et ainsi de suite, et que tu agis avec eux comme ça. Donc on fait la différence entre ça, entre ce pays-là et les autres. Comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui par exemple, qui est un pays qui est sur la sunna, qui prêche la sunna, qui prône la sunna et la salafia, et les ulama de Ahl Sunna qui sont là-bas, c'est eux qui ont la voix haute, qui leur parole est respectée et écoutée, et les gens de bid'a sont rabaissés et humiliés, on ne les laisse pas avoir la parole et on ne les laisse pas propager leurs égarements, de même que les kuffars et les mushrikins, la même chose. Donc c'est un pays qui établit le tawhid, qui combat le shirk, qui établit la sunna. Donc ça, c'est un pays que c'est obligatoire pour un croyant, pour un mu'min, pour un salafi, pour un sunni, de l'aimer et de le supporter et de le défendre, hein. Parce que 100%, c'est clair. Même s'il y a des péchés, il y a des choses qui se passent qui sont peut-être contraires à l'islam dans certains aspects, comme certains péchés que certaines personnes peuvent faire ou des choses comme ça. Mais ça, c'est des choses qui sont des réalités qui vont toujours exister, peu importe le pays. Il y aura toujours des péchés, des fautes et des contradictions à l'islam. Mais c'est pas dans les fondements, c'est pas dans les bases, c'est pas des choses qui viennent annuler l'islam. Hein? C'est des choses qui peuvent être corrigées, qui peuvent être changées, qui peuvent être améliorées. Et les choses sont faites justement pour que ça soit ainsi. C'est-à-dire, il y a des gens qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal, qui clarifient le verdict des choses pour que les gens sachent ce qui est halal et ce qui est haram. Hein? Et actuellement, justement, il y a de la part des kuffars, des gens de bid'a et des munafiqin, dans l'Arabie Saoudite et à l'extérieur, toutes sortes de pressions qui sont mises de plus en plus fortes pour essayer de faire en sorte que l'Arabie Saoudite change dans le sens d'essayer de les corrompre, de les éloigner de l'application de la charia, de les éloigner de l'attachement à la sunna, de les éloigner de l'islam pour faire en sorte qu'ils acceptent les idées des kuffars et des mushrikin, comme la laïcité, l'égalité entre l'homme et la femme dans toute chose, sans distinction, sans exception, les idées de liberté de croyance et de religion pour tout le monde, parce qu'ils veulent faire rentrer le christianisme là-bas, ils veulent faire rentrer les différentes sectes et les différentes bid'a là-bas, et ils veulent essayer de faire rentrer le shirk là-bas. Donc il y a beaucoup d'opposition maintenant là-bas pour justement ouvrir les portes à ça. Hein, ils veulent faire rentrer la liberté sexuelle, la liberté de perversité, dévoiler les femmes et enlever le hijab et le djilbab aux femmes. Donc, toutes sortes de choses qui sont faites pour essayer de les éloigner de l'islam. Et donc, c'est pour ça que c'est encore plus important pour les musulmans d'essayer de supporter ce pays-là et de faire des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah les raffermisse et les aide et les supporte, hein, les dirigeants de ce pays et les savants de ce pays, et pour que Allah les réforme la population et les garde attachés fermement à cet islam. Donc parmi les exemples qui ont été mentionnés à propos de différentes situations qui ont été semblables à des situations qui sont actuellement présentes dans certains pays musulmans, le cheikh il commence par mentionner l'exemple de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'on lui a posé la question au sujet des gens d'un pays qui s'appelait Martin, et c'est dans le volume 28 à la page 240. Donc le Cheikh il dit sous il a Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi zamanihi عن بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وسعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله، هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق أو سبه به أم لا؟ Donc, le cheikh, on lui a posé la question. On a posé la question à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majma' al-Fatawa à propos d'un pays à son époque qui s'appelait Mardin. Et c'est une région en Orient, donc une région où il y avait, d'après ce que j'ai compris dans l'explication, c'est qu'il y avait un gouvernement qui était musulman, mais que la population c'était des koufar et des mushrikin, quelque chose comme ça. Et il demandait le verdict à propos de ce pays-là. Donc il disait, est-ce que c'est un pays qu'on appelle Balad Harb ou Balad Silm? Est-ce que c'est un pays qui est en guerre ou un pays qui est en paix? Et est-ce que c'est obligatoire aux musulmans qui est installé là-bas et qui habite là-bas de faire la hijra vers les pays musulmans ou non? Et l'autre question ensuite, et si il est obligatoire de faire la hijra, que dire à propos de celui qui ne fait pas la hijra et qui reste là-bas quand même, malgré que c'est obligatoire de faire la hijra, il reste là-bas quand même et il aide les ennemis des musulmans par sa personne ou par ses biens. Est-ce qu'il commet un péché en restant là-bas et en faisant ça? Et ensuite, une autre question, et est-ce que la personne qui l'accuse, qui accuse quelqu'un qui reste là-bas d'hypocrisie ou qui l'insulte parce qu'il reste là-bas, est-ce qu'il commet un péché en l'accusant d'hypocrisie ou en l'insultant ou non? Donc, Cheikh l'Islam, il a répondu à cette question-là. Cheikh l'Islam, il a répondu à cette question-là et il a dit فأجاب الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في مردين أو غيرها وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل مردين أو غيرهم والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم بل عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل مردين وغيرهم وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي تجرى عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه انتهى كلامه رحمه الله. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il répond à la question, ou bien aux questions, parce qu'il y a plusieurs questions en fait dans cette question-là, en disant, louange à Allah, il dit premièrement, le sang des musulmans et le bien des musulmans est haram, c'est-à-dire il est sacré, que ce soit à Mardin ou ailleurs. Donc ça c'est pour commencer. Ensuite il dit, et d'aider les gens qui sortent de la charia d'Allah, de la charia de l'islam, ça c'est haram de les aider, que ce soit les habitants de Mardin ou autres. Et il dit ensuite que la personne qui est installée là-bas et qui est établie là-bas, s'il est incapable d'établir sa religion, c'est obligatoire pour lui de faire la hijra de cet endroit-là. Et si il n'est pas incapable, dans ce cas-là, c'est recommandé pour lui. Et ce n'est pas obligatoire. Ensuite, il dit, en ce qui concerne le fait d'aider les ennemis des musulmans, soit par la personne ou par les biens, ça c'est quelque chose qui est interdit pour eux. Et c'est obligatoire pour eux de s'abstenir de les aider dans leurs biens, par leurs biens et par leurs personnes, par leurs biens et par leurs personnes. C'est obligatoire pour eux de s'abstenir de les aider par tous les moyens possibles, hein, de les aider dans sa personne et dans ses biens. Et il mentionne par exemple parmi les moyens qui peuvent être utilisés, soit de ne pas se présenter, ou bien de répondre par insinuation, de ne pas répondre à la demande, ou bien en trouvant un moyen pour faire en sorte qu'il ne va pas les aider dans ce qu'il demande, lorsqu'il doit faire quelque chose contre les musulmans ou contre l'islam. Et il dit fa'iza lam yumkin, donc si c'est pas possible de s'abstenir d'aider contre les musulmans, dans ce cas-là, c'est obligatoire à chaque individu de faire la hijra. Dans ce cas-là, ça c'est s'il est capable de le faire. S'il a les moyens et s'il est capable, il est obligatoire pour lui dans ce cas-là, pour chaque individu de le faire. Et ensuite il dit وَلَا يَحِلُّ سَبُّهُمْ عُمُومًا وَرَمْيُهُمْ بِالنِّفَاقِ. Donc il dit il n'est pas permis de les insulter de façon générale, de les insulter généralement, c'est-à-dire de les insulter tous, ou bien de les traiter tous d'hypocrisie. Il dit on peut seulement insulter ou traiter d'hypocrisie selon ce qui est mentionné comme description dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire que le fait d'accuser quelqu'un d'hypocrisie ou d'insulter quelqu'un, c'est seulement, ça doit être uniquement appliqué sur les personnes qui ont les caractéristiques qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna. Et à ce sujet-là, on peut inclure certains des habitants de Mardin, c'est-à-dire que certains des habitants de Mardin entrent parmi ceux qui ont les caractéristiques de ceux qui ont de l'hypocrisie, et d'autres égales, et d'autres que les habitants de Mardin aussi. C'est-à-dire que c'est pas les habitants de Mardin qui sont qui rentrent dans ces caractéristiques-là seulement. Donc il y en a certains parmi les habitants de Mardin qui rentrent dans les caractéristiques de l'hypocrisie qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, et il y en a des habitants de d'autres pays ou d'autres régions aussi qui rentrent dans ces caractéristiques-là. Donc c'est pas exclusif ou spécifique aux habitants de cette ville. Il dit ensuite, en ce qui concerne la question, est-ce que c'est un pays qui est un Dar Harb ou Dar Silm, est-ce que c'est un pays qui est en paix ou un pays qui est en guerre, eh bien, il dit que les deux sens sont imbriqués l'un dans l'autre, pour par rapport à cette région-là. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a un peu des deux qui sont mélangés dedans. Il y a les deux descriptions, les deux significations de ce sens-là qui sont impliquées ici. Il y a des choses qui font partie de Dar Harb et des choses qui font partie de Dar Silm. Et il donne des exemples. Donc il dit que c'est une troisième catégorie. Et que le musulman, il doit être traité dans ce pays-là selon ce qu'il mérite. Et celui qui sort de la charia dans ce pays-là, il doit être combattu selon ce qu'il mérite. Donc chacun, il a son verdict. Selon sa situation, qui dans ce pays-là, il n'y a pas un verdict spécifique, général, pour dire que ça c'est Dar Harb ou Dar Silm, il y a un peu des deux dedans. C'est ça qu'il veut dire. Donc, il dit « Amma kawnuha dar harbin aw silm fahiya murakkaba murakkabatun fiha al-ma'nayan laysat bimanzilati dar silm alati tujra alayha ahkam al-islam likawni jundiha muslimun wala bimanzilati dar al-harb alati ahluha kuffar » Ok, donc c'est juste pour que ce soit clair, il dit que c'est pas un pays qui peut être mis au degré de Dar al-Silm sur lesquels on applique les règles de l'islam parce que son armée est une armée musulmane, et c'est pas non plus un Dar Harb dans lequel les gens, les habitants dedans sont des kuffars. Donc c'est pas un pays dont les habitants sont kuffars, donc c'est clair que c'est Dar Harb, et c'est pas un pays qui on peut dire que les règles de l'islam sont appliquées dedans parce que l'armée de ce pays-là sont une armée musulmane. Parce que dans un pays où l'armée est musulmane, les règles de l'islam seront appliquées. Mais ça, c'est pas le cas. Et c'est pas un pays de harb dans lequel les habitants sont forts parce que dans ce pays-là, il y a des musulmans. Donc, elle n'a pas le verdict 100% de l'un ni 100% de l'autre. C'est un mélange des deux. 50% de un, 50% de l'autre, supposons. Donc, on donne comme exemple. Donc, à cause de ça, il faut agir avec chaque personne selon ce qu'il mérite dedans. Donc, ça, c'est la fin de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et donc, ça nous montre qu'un pays, comme il y a certains ulama qui ont expliqué, que le pays est comme, c'est un peu comme les individus. Hein? Il y a des individus qui sont des musulmans qui sont des pratiquants mais qui ont des péchés ou qui ont des caractéristiques de ou des manifestations en eux-mêmes, certains aspects d'hypocrisie ou certaines pratiques de la jahiliya ou certaines caractéristiques de shirk, hein, de shirk asghar ou de kufr asghar, donc sont des musulmans mais ils n'ont pas appliqué en eux-mêmes l'islam à 100%. Donc, on les aime pour qu'est-ce qu'ils ont de l'islam, puis on les déteste pour qu'est-ce qu'ils ont de kufr ou de shirk ou de bid'a ou de nifaq, hein, parmi les caractéristiques qui sont présentes en eux. Et la même chose pour les pays. Si c'est un pays qui est 100% sur la sunna, sur le tawhid, sur l'obéissance d'Allah, ils ont le verdict d'al-wala total. Et si c'est un pays dans lequel il y a des manifestations de shirk, ou de kufr, ou de nifaq, ou de bid'a, ou de péché, eh bien, on va les aimer pour qu'est-ce qu'ils ont comme islam, puis on va les détester pour qu'est-ce qu'ils ont comme contradiction à l'islam. Hein? Ensuite, il mentionne une autre parole, c'est la parole du cheikh Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est tiré de Ad-Durar al-Saniya, le volume 12, à la page 395. Il dit في جوابه عمن منع وجوب الهجرة من عن بلاد ظهر فيها الشرك بحجة أن الدار دار إسلام. نعم. فالسؤال عن حكم الدار ليترتب عليه ما زعم المجيز فاسد الاعتبار من وجهين. الأول أن أهل العلم رتبوا حكم الهجرة على وجود الشرك والبدع والمعاصي لمن لا يستطيع إنكارها، ومن المعلوم بالضرورة أن الشرك بالأموات والغائبين والتعلق على الأنبياء والصالحين بل على المجاذيب والمجانين قد ظهر في ديارهم شعاره وتطاير فيها شراره وثار فيها قتامه وغباره وعدم فيها للتوحيد وعدم فيها للتوحيد أنواعه وأنصاره ومع ما هم عليه من البدع في العبادات والاعتقادات وأصناف المعاصي التي تشيب اللمم والنواصي. فالسؤال عن الديار هل هي دار إسلام أم لا، بمعنى أن المقيم فيها كالمقيم في بلد سالمة من ذلك، خطأ ظاهر. وقد تقرر في عبارات أئمتنا الحنابلة وغيرهم أنهم يوجبون الهجرة بمشاهدة ما هو دون ذلك حتى من بلد تظهر فيها عقائد أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والروافض. وقد حكى ابن العربي المالكي عن القاسم عن ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. وقال في الإقناع وشرحه لما ذكرها فيخرج منها وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها، فعلق الحكم بالوصف الذي هو وجود البدع والمعاصي لمن لا يستطيع إنكارها لا بالدار. وإذا كان من المعلوم أن مصر دار إسلام فتحها عمرو بن العاص زمن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، فأين إجماع الناس على أنها دار حرب أيام بني عبيد القداح، وكذلك جزيرة العرب أيام الردة، مع أن الدار دار إسلام لا دار كافر أصلي بالإجماع، ولكن لما قام بها الوصف الذي يبيح الدم والمال لم يكن لتسميتها دار إسلام حكم، صار الحكم لهذا الوصف الطارئ Donc on va commencer par traduire cette partie. Le Cheikh il mentionne, Cheikh Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, il dit dans Ad-Durar al-Saniya, le volume 12 à la page 395, en répondant à celui qui veut interdire ou empêcher l'obligation de faire la hijra des pays dans lesquels on a vu apparaître le shirk, en utilisant l'argument que c'est un pays d'islam. Donc, le Cheikh, il dit, la question est au sujet du verdict du pays. Pour essayer de faire en sorte qu'on applique, parce que la personne, elle prétend que c'est permis de rester là-bas parce que c'est un pays musulman. Et il dit que ça, c'est quelque chose qui est une mauvaise conception, une mauvaise compréhension. Pourquoi ? Parce que le fait que ce soit un pays musulman, ça ne veut pas dire que ce n'est pas obligatoire de faire la hijra de ce pays-là. Et le verdict de l'obligation de la hijra, ce n'est pas relié au verdict du pays, mais c'est relié à autre chose, c'est-à-dire à la description de certaines choses qui sont présentes dans ce pays-là, et il donne des exemples. Il dit qu'on peut répondre à ça de deux points de vue. Le premier, c'est que les hommes de science ont rattaché, par exemple, ils ont mis comme conséquence par rapport au verdict de la hijra et par rapport à son obligation ou au fait que ce soit recommandé ou obligatoire, ils ont mis ça par rapport à la présence du shirk dans ce pays ou à la présence des bid'ah ou à la présence des péchés pour celui qui n'est pas capable de les dénoncer ou de les condamner. Donc si tu es dans un pays dans lequel il y a du shirk, il y a des bid'ah, il y a des péchés, mais que tu n'as pas la capacité de dénoncer ces péchés-là ou ces formes de shirk ou ces formes de bid'ah, alors dans ce cas-là, ils ont dit que c'est obligatoire pour toi de quitter. Toutefois, si tu es dans ce pays-là et que tu peux les critiquer, tu peux les dénoncer, tu peux mentionner que c'est des choses qui sont contraires à l'islam et que c'est interdit, dans ce cas-là, c'est seulement recommandé, comme les savants l'ont expliqué. Et il dit ici, on sait très bien, par nécessité, que de faire le shirk en invoquant ou en adorant les morts et les gens absents, de s'accrocher aux prophètes, de s'attacher aux prophètes et aux hommes pieux et de les adorer en dehors d'Allah, ou même de s'accrocher aux fous et aux malades, comme certains qui adore certaines personnes qu'ils prétendent être des saints alors qu'en réalité ce sont des gens pervers ou des gens malades ou des gens fous qui ont perdu la raison. Donc on a vu ça apparaître dans plusieurs pays et le mal de ces exemples de shirk là sont propagés partout et on voit la noirceur de ces manifestations là dans plusieurs pays musulmans et l'absence du tawhid et l'absence des gens qui défendent le tawhid et qui supportent le tawhid dans ces pays-là et c'est quelque chose qui est évident. On trouve pas beaucoup de gens dans ces pays-là qui défendent et qui supportent le tawhid, hein, sans compter ce qu'ils ont comme innovation dans l'adoration et dans la croyance et différentes formes de péchés qui font blanchir les cheveux. Donc la question au sujet du pays, est-ce que c'est un pays de l'islam ou non, dans le sens que si la personne qui est dedans, qui habite dans ce pays-là, est-ce qu'il est semblable à la personne qui est installée ou qui habite dans un pays où il n'y a pas ce genre de choses-là? On dit ça, c'est une erreur dans la façon de concevoir la question. On peut voir que dans les livres des imams, des Hanabila, dans les paroles des savants, dans leurs expressions des savants Hanbalites et autres également, pas seulement les Hanabila, même dans les autres Mazahib, on voit qu'ils ont rattaché l'obligation de faire la hijra au simple fait d'être témoin de ces contradictions à l'islam. Hein, et pour des choses qui sont moins graves que le shirk, hein, qu'on a mentionné comme exemple. Et il dit que certains savants ont ordonné de faire la hijra de certains pays dans lesquels on a vu apparaître des croyances des gens de bid'a, comme par exemple les Mu'tazila et les Khawarij et les Rawafid. Et l'imam Ibn Arabi al-Maliki, il a rapporté de l'imam Ibn al-Qasim qu'il a entendu l'imam Malik dire: il n'est pas permis à quelqu'un de s'installer dans un pays dans lequel on insulte les salafs. Hein? Il a dit: il n'est pas permis pour un musulman de rester dans un pays dans lequel on insulte les salafs. Donc on n'a pas parlé ici de shirk, d'adorer autre que Allah. Le simple fait que tu sois dans un pays où les gens insultent les salafs, ils insultent les sahaba, comme par exemple en Iran, ou dans d'autres pays de ce genre, parmi les pays des rafidahs et des shi'as, eh bien, tu vas là-bas, on insulte les sahaba ouvertement. Donc, est-ce que tu as le droit de rester là-bas? Si tu as les moyens et si tu es capable de quitter, c'est obligatoire pour toi de quitter. Tu n'as pas le droit de rester là. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Après, il dit, un autre des savants, dans Al-Iqna', dans son char, il a mentionné ça, et il a dit, il doit en sortir obligatoirement, s'il est incapable d'exposer ou de montrer la voie de Ahl-Sunnah dans ce pays. Donc, il a relié le verdict à la description qui est présente dans ce pays-là, c'est-à-dire à la description de ce qui est présent comme bid'a ou comme péché dans ce pays-là, pour celui qui n'est pas capable de les dénoncer ou de les condamner, et non pas par le verdict de la demeure elle-même. C'est-à-dire que le pays, il peut être un pays musulman. Il n'y a pas de doute que l'Iran, c'est un pays musulman, à l'origine, c'est un pays musulman, l'Irak aussi, tous ces pays-là, c'est des pays musulmans. Sauf que, étant donné que maintenant ceux qui ont le pouvoir là-bas, ce sont des gens de bid'ah, des gens de shirk, hein, des gens qui, par exemple, invoquent les morts, appellent les morts, font du shirk, ou bien qu'ils insultent les sahaba, hein, ils font le takfir des sahaba ouvertement, et que toi, si tu vas là-bas, tu ne pourras pas condamner qu'est-ce qu'ils font ouvertement, et tu ne pourras pas les réfuter ouvertement et publiquement, parce que tu risquerais de te faire arrêter, ou de te faire battre, ou de te faire insulter, ou d'avoir des problèmes. Ils peuvent porter atteinte à ta personne, ou à tes biens, ou à ta vie, ou à ta famille. Donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas montrer ta religion. Et donc, dans ce cas-là, tu es dans le devoir, dans l'obligation, si tu as la capacité de quitter. C'est obligatoire pour toi de quitter ce pays-là, même si à la base c'est un pays musulman. نعم il dit وإذا كان وإذا كان من المعلوم أن مصر Il dit donc, il dit, on sait très bien que l'Égypte, c'est un pays musulman, c'est un pays d'islam. Ça a été le pays, il a été conquis par Amr ibn al-As à l'époque du khilafa de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, al-Khalifa al-Rashid, le khalifa bien guidé, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Donc, à son époque, Amr ibn al-As a conquis l'Égypte. Et c'est un pays d'islam. Et le cheikh, il pose la question. Il dit, à l'époque de Bani Ubaid al-Qaddah, c'est-à-dire à la période quand les Ismaélites, les Bataniyoun ont pris le contrôle de l'Égypte et du nord de l'Afrique et de beaucoup d'autres pays, parmi les Fatimides et les autres, les Bataniyoun, qui sont des koufars, qui sont des ennemis de l'islam et des ennemis des musulmans. Donc il dit, à leur époque, quand ils ont pris le contrôle de l'Égypte, où est-ce qu'il est le consensus des savants que ce pays-là était un pays de harb ou un pays de kufr, un pays de guerre? Où est-ce qu'il est l'ijma à ce sujet-là? Ou bien à l'époque de l'apostasie dans la péninsule arabe, dans le Najd à l'époque de Musaylama, lorsque Musaylama a pris le contrôle de cette région, le cheikh il dit, ça c'était un pays d'islam, c'était pas un pays de kufr comme un pays de kufr de base, par exemple l'Europe ou l'Amérique, ça c'est des pays de kufr. Personne qui doute là-dessus, il y a un ijma là-dessus, il y a un consensus sur les pays qui sont des pays de kufr et ce sont des kuffars asliyoun, tandis que les autres pays qui sont des pays musulmans et qui sont conquis ou qui sont pris par certains groupes de bid'a ou certains groupes parmi les kuffars à certaines époques, ce sont des pays musulmans, et il dit que, mais la description qui est rentrée dans ce pays-là, elle est rentrée par rapport à ceux qui, ceux dont le sang et les biens sont licites, et le fait de dire que c'est un pays musulman, ça va rien changer au fait que c'est obligatoire pour toi de quitter ce pays-là. Et on va prendre, le cheikh il dit donc le verdict de ces différents pays-là, il devient un verdict nouveau par rapport aux gens qui ont pris le pouvoir sur ces pays-là. Et il dit, « وَتَعْرِفْ » après il dit, وتعريف على محل طاهر تلوث به المحل وللشيء حكم نظيره فكيف بما هو أقبح وأشد فبطل ما طرده المجيز من التعلق باسم الدار. Donc on peut pas s'attacher uniquement au nom du pays pour déterminer si la hijra de ce pays-là, faire la hijra de ce pays-là est obligatoire ou non. C'est pas ça qui va déterminer si c'est obligatoire de le quitter ou non. Même si c'est un pays musulman, ça se peut que ce soit obligatoire quand même de le quitter pour aller vers un autre pays musulman où il n'y a pas les problèmes semblables ou aussi graves que le pays dans lequel tu vas être. فإن كان المستوى أما تعريف الدار من حيثية الأحكام المترتبة عليها فإن كان المستولى عليها هو الكافر الأصلي فيتعلق به أحكام يخالف فيها المرتد كحكم اللقيط والأموال وغيرها وعلى هذا تفاريع ذكرها الفقهاء وجعل بعضهم الدار ضابطا لأشياء نوزعة في بعضها قال في التنقيح فإن وجد اللقيط في بلد كفار حرب لا مسلم فيها أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق أي اللقيط فإن كثر المسلمون فمسلم ومثله ما صرح به الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر لا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر وما حكاه ابن مفلح عن شيخ تقي الدين أن البلدة التي تظهر فيها أحكام الكفر وأحكام الإسلام لا تعطى حكم الإسلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه، وهو الذي عنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، فإنه لما سأله الوالد قدس الله روحه عن حكم ما باعوه أو وهبوه مما استولوا عليه في نجد، أجاب بأنهم مرتدون، دارهم دار إسلام، والمرتد لا يملك عند جمهور العلماء. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit نعم. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit que en ce qui concerne la question qui est reliée directement aux règles du fait de déterminer si c'est un pays musulman ou non, si la personne qui a pris le pouvoir dans ce pays musulman, c'est un kafir asli, comme un juif ou un chrétien, donc les règles qui vont être appliquées par rapport à ce pays-là vont être différentes de celui dans lequel le mécréant est un apostat. Et il donne l'exemple comme la chose qui a été perdue, la chose qu'on retrouve parmi les... Comme par exemple, un enfant qui est perdu. Si on le retrouve, il n'a pas de parents, on ne sait pas à qui il appartient. Donc, qu'est-ce qu'il va être? Est-ce qu'il va être musulman ou non? Ou bien les biens, la même chose. Ça va être quoi le verdict? Dans les livres, dans les paroles des fuqaha, il y a différentes explications par rapport à ces choses-là. Certains savants ont pris en considération le pays comme règle générale pour établir à qui ces choses-là doivent être rendues. Et il mentionne, il dit dans un Tanqih, il a dit, le savant en question a dit que si on retrouve un enfant qui est perdu, par exemple, dans un pays de Kufr, qui est un pays en guerre avec les musulmans, et dans lequel il n'y a pas de musulmans, ou bien il y a des musulmans, mais c'est ceux qui sont musulmans dans ce pays-là, ce sont juste les commerçants ou des prisonniers. Dans ce cas-là, ce sera un mécréant. L'enfant sera mécréant. Et tandis que si c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de musulmans, donc on le considérera musulman. Et ça a été dit par plusieurs savants, parmi les Hanabila et autres. Et ils disent que le pays en question, si les règles de Kouf sont établies dedans et qu'on ne voit aucun signe apparent de l'islam, donc c'est un pays de Kouf. Et ça a été dit par Ibn Muflih. Et Cheikh Taqiyuddin, c'est-à-dire Taqiyuddin, c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, lui, que le pays dans lequel on voit des règles de Kufr et en même temps des règles de l'islam dedans, les deux, donc on lui donne le verdict de l'islam, on lui donne pas le verdict de l'islam de tous les points de vue, et on lui donne pas le verdict de Kufr de tous les points de vue. Et il dit, c'est ça que le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abba Batin a dit. Il parle de son père, il dit, lorsque mon père lui a posé la question au sujet de ce qu'ils ont vendu ou de ce qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont pris la région du Najd, ils ont posé la question et ils ont dit, ce sont des apostats, leur pays est un pays musulman, mais l'apostat lui-même, il ne possède rien. Selon la majorité des savants. Donc ça, c'est la fin de la parole. Donc ça veut dire que les pays dans lesquels il y a des règles de l'islam et des règles de Kouf qui sont mélangées, donc ils ne sont pas des pays de Kouf, et ils ne sont pas des pays complètement de Kouf, ils ne sont pas des pays complètement musulmans. Donc ça dépend ils ont un statut qui est particulier. hein, c'est un statut particulier. On ne peut pas les traiter 100% comme un pays musulman, on ne peut pas les traiter 100% comme un pays de kufr aussi. Il mentionne les paroles aussi du cheikh, et on va finir avec ça, les paroles qui ont été, la question qui a été posée au cheikh Abdurrahman al-Sa'di à son époque dans Al-Fatawa al-Sa'diya. C'est le point 33. Le point 33 dans les fatawas. On lui a posé la question suivante. عن بلد الشرك وما تصير به بلاد الإسلام وعما قارب لنا من بلاد العراق والبحرين وغيرهما هل هي بلاد الإسلام وما يطلق عليها وعن إظهار الدين في بلد المشركين وما يلزم الرجل من الولاء والبراء والنطق بتكفير الكافر donc ça c'est la question qui a été posée au Cheikh Al-Sa'di au sujet des pays de shirk et comment ils deviennent des pays d'Islam. Et au sujet des pays qui sont proches de nous, comme l'Irak et le Bahreïn, qui étaient à l'époque des colonies anglaises, et d'autres pays semblables, est-ce que ce sont des pays de l'Islam? Et comment on les appelle? Qu'est-ce qu'on dit de ces pays-là? Et il pose la question ensuite au sujet de le fait de montrer la religion dans les pays de shirk, ou dans les pays des mushrikines. C'est quoi la règle par rapport à ça? Et il demande ensuite qu'est-ce qui est obligatoire à quelqu'un par rapport à Al-Wala ou Al-Bara ou par rapport au fait de prononcer le takfir d'un kafir. Qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là? Et le cheikh il répond il dit قد ذكر أهل العلم رحمهم الله الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا وبلاد الكفر ضدها فهي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار وهي على نوعين بلاد كفار حربيين وبلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين الصلح وهدنة فتصير إذا كانت الأحكام للكفار والنفوذ لهم دار كفار ولو كان فيها كثير من المسلمين وكل أحد يعرف ولا يشك أن العراق والبحرين وغيرهما من البلاد المجاورة ونحوها من المستعمرات الإنجليزية وأنهم هم الذين لهم النفوذ والحكم بها ولكنهم يدخلون في الكفار المهادنين لما بينهم وبين المسلمين من الأمان في عدم تعدي أحدهما على الآخر وارتباط التجارة كما هو معروف لكل أحد حتى قال وذكر الهجرة عند عدم إظهار الدين فلو كان يقدر أن يصلي ويصوم ولكن لا يقدر أن يظهر توحيده وإيمانه وعقيدته كان عاجزا عن إظهار دينه وقد تقدم أن بلاد الكفر نوعان بلاد حرب واضطهاد وبلاد عهد وهدنة وأمن حتى قال وذكر الهجرة للحبشة وهي بلاد كفر لكنها بلاد أمن واطمئنان والمقصود أنه لا بد من إظهار أصول الدين وشرائعه فإذا نظرنا إلى ما حولنا من الممالك المذكورة في هذه الأوقات وجدنا أنه يتمكن كل أحد من إظهار دينه ومعتقده لانتشار الحرية فصار المؤمن والكافر والبر والفاجر كل يعلن بما اعتقده وإن حصل تقصير أو افتتان فهو من كثرة الشر حتى قال وأما قولك ما يلزم الإنسان في الولاء والبراء donc on va traduire la première partie puis après on traduira la fin. Le cheikh il dit ici que les savants, les hommes de science, ils ont rapporté qu'il y a une distinction entre les pays de l'islam et les pays des kuffars, et que les pays de l'islam, ce sont ceux qui sont gouvernés par les musulmans, et dans lesquels on voit les règles de l'islam sont appliquées, et que le pouvoir exécutif dedans est aux musulmans. Même si la majorité des habitants sont des kuffars. Et les pays de kuffr, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est ceux, les pays qui sont dirigés par les kuffars et dans lesquels on voit appliquer les règles du kuffr et que le pouvoir dedans exécutif est aux kuffars. C'est-à-dire, c'est eux qui ont la force. Et les pays de, les kuffars sont de deux catégories. Les pays des kuffars qui sont en guerre et les pays des kuffars qui ont une entente de paix avec les musulmans et qui ont une entente ou un pacte ou une trêve. Donc, فَتَصِيرْ إِذَا كَانَتَ الْأَحْكَامُ لِلْكُفَّارِ وَالنُّفُوذُ لَهُمْ دَارُ الْكُفَّارِ. Donc, si ce pays-là, les règles dans ce pays-là sont aux kuffars, et que le pouvoir exécutif c'est aux kuffars, ça devient donc un pays à eux, aux kuffars, même s'il y a beaucoup de musulmans dedans. Et tout le monde sait, il n'y a pas de doute que tout le monde sait actuellement que, il parle de son époque, le cheikh, que l'Irak et le Bahreïn et d'autres également parmi les pays avoisinants et des pays semblables sont des colonies anglaises. Et que ce sont les Anglais qui ont, dans ces pays-là, le pouvoir exécutif et le gouvernement, le jugement. C'est eux qui dirigent. Mais ils rentrent dans les kuffars qui sont en paix, qui ont des ententes de paix entre eux et les musulmans, et qui sont en sécurité. Hein? Il y a une sécurité et un pacte, et une trêve entre eux et nous, de ne pas s'agresser mutuellement. Et il y en a des ententes également, et des alliances économiques, hein, des relations économiques. Comme tout le monde le sait. Personne, il y en a, ça c'est quelque chose que tout le monde sait. Ensuite, il dit, en ce qui concerne la hijra, et en ce qui concerne l'incapacité de montrer la religion, il explique qu'est-ce que ça signifie. Il dit que si quelqu'un, il a la capacité de prier, de jeûner, mais qui n'est pas capable d'exprimer ou de montrer son tawhid, sa foi et sa aqida, dans ce cas-là, il n'est pas capable de montrer sa religion. Donc, c'est ça la règle par rapport à le fait d'être capable de montrer sa religion. C'est pas juste de pouvoir prier, de jeûner, d'aller à la mosquée. C'est d'être capable de montrer notre tawhid, d'appeler au tawhid et à notre aqida et à notre foi ouvertement et sans, yani, sans crainte et sans peur, publiquement, ouvertement, d'appeler au tawhid et à la sunna et à notre aqida et de le dire haut et fort. C'est ça la capacité. Donc, si tu es dans un pays musulman, mais que tu as peur de dire, ou que tu, si tu es dans un pays non musulman, comme en Europe ou ailleurs, et que tu n'es pas capable de montrer ton tawhid, ta foi, hein, ou bien que tu es dans un pays de bid'ah et que tu ne peux pas condamner le shirk ou condamner des manifestations de bid'ah comme en Iran ou des places comme ça, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour toi de faire la hijra, même si c'est des endroits où, en majorité, c'est des musulmans. C'est obligatoire pour chaque personne, selon sa capacité, de quitter cet endroit-là pour aller à un endroit meilleur. Et donc, chacun selon l'endroit où il est, selon la situation dans laquelle il est, selon sa capacité. Hein, et le musulman, il doit toujours essayer de s'en aller vers qu'est-ce qui est meilleur. S'il ne peut pas aller directement vers qu'est-ce qui est meilleur, il va choisir le moindre des deux mâles. Le moindre des deux mâles, tout le temps. Si tu as le choix entre deux pays qui sont mauvais, tu vas prendre le pays des deux qui est le moins mauvais. Et si tu es capable d'aller dans un autre pays meilleur, tu vas dans le pays qui est meilleur. Et c'est comme ça à notre époque. Parce que le mal, il est généralisé. Ça veut dire qu'on retrouve dans plusieurs pays dans le monde entier beaucoup de mal maintenant, mais à différents degrés. Donc, La personne, aujourd'hui, elle doit essayer de voir où est-ce qu'il est le moindre mal et d'aller à l'endroit où il a le plus de possibilités de s'installer pour être capable d'établir sa religion selon, justement, qu'est-ce qui va être le moindre mal pour lui et sa famille. Donc, le chef, il dit ensuite, donc c'est ça, de pouvoir montrer sa religion, c'est de pouvoir montrer sa aqida et son tawhid et sa foi. Donc, on a déjà dit que les pays de Kufr sont de deux catégories, les pays de Kufr qui sont en guerre et qui persécutent les musulmans, et les pays de des pays non musulmans qui sont en entente de paix et qui dans lesquels il y a de la sécurité et dans lesquels on est en paix avec les kuffars. Et il dit ensuite wa hatta qala wa dhakara al hijra lil habasha wa hiya bilad kufr lakinnaha bilad amn wa itminan. Et justement à propos de ça, par rapport au pays où les musulmans sont en paix et en sécurité, il y a une fois, quand j'étais en Arabie Saoudite, j'avais rencontré un musulman de, c'est un arabe, un palestinien musulman, mais qui avait un passeport israélien. Je me rappelle de ça. Lui, il vivait en Israël. Qu'est-ce qu'on appelle Israël? C'est la Palestine. Donc, il vivait là-bas. Et il disait que là-bas, il avait la possibilité de pratiquer sa religion, qu'on lui donnait la possibilité de pratiquer sa religion ouvertement et publiquement, et qu'on lui donnait même ses droits là-bas et tout. Donc, il mentionnait que même que parfois dans certains endroits où tu vas aller en Palestine, actuellement, où c'est dirigé par des musulmans, tu n'avais pas la même possibilité justement d'appeler ouvertement à ta religion ou de parler, de faire certains aspects, d'appeler au tawhid ou à la sunna de la même manière que c'était possible de le faire là-bas. Donc il mentionnait des exemples comment il pouvait trouver parfois ses droits plus facilement là-bas, là où il était, que dans les parties où c'était contrôlé par les musulmans. Allah al-Musta'an. En tout cas, le cheikh il dit ensuite, après ça, il a mentionné le fait de faire la hijra à Al-Habasha, justement. Le fait de faire la hijra à Al-Habasha, il dit que c'est un pays de Kufr, mais c'est un pays dans lequel il y avait la sécurité et de la tranquillité. Et il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est d'établir, de montrer les fondements de la religion. Il faut absolument que là où tu es, peu importe où tu es, que tu sois capable d'établir et de montrer ouvertement les fondements et les règles de ta religion. Et si on regarde, par exemple, les pays qui sont autour de nous, les pays qui sont autour de nous, à notre époque, on va voir que ces pays-là, on est capable d'exprimer ou de montrer notre religion et notre croyance, parce qu'il y a beaucoup de liberté qui existe dans ces pays-là. Donc le croyant et le mécréant, le bon ou le pervers, chacun, il exprime ou il montre sa différente croyance. Et s'il y a un manquement ou une fitna qui se produit, c'est à cause de la grande quantité de mal qui est là. Il dit ensuite, وَحَتَّ قَالْ وأما قولك ما يلزم للإنسان في الولاء والبراء والنطق بتكفير الكافر فهذه مسألة مبنية على أصل كبير وهو أن الله تعالى عقد الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمن كلهم بين المؤمنين كلهم ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وملحدين ومارقين وغيرهم ممن ثبت في الكتاب والسنة الحكم بتكفيرهم وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين ودلائل هذا من الكتاب والسنة كثيرة معروفة فكل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية فإنه تجب محبته وموالاته ونصرته. وكل من كان بخلاف ذلك فإنه يجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة. فالولاء والبراء تابع للحب والبغض، والحب والبغض هو الأصل. وأصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعه، وأن تبغض في الله أعداءه وأعداء رسله. وكل من حكم الشرع بتكفيره فإنه يجب تكفيره، ومن لم يكفر من كفره الله ورسوله فهو كافر مكذب لله ورسوله، وذلك إذا ثبت عنده كفره بدليل شرعي. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il explique, on va terminer avec ça. Le cheikh il dit, jusqu'à ce qu'il dise ensuite, en ce qui concerne la question, qu'est-ce qui est obligatoire à quelqu'un par rapport à al-wala ou al-bara, et dans le fait de déclarer kafir le mécréant, faire le takfir du mécréant, du kafir, il dit cette question est basée sur un grand fondement de l'islam, et c'est une chose sur laquelle Allah a établi établi le contrat de la fraternité et de l'amour entre les croyants, sans exception, tous les croyants, et dans lequel il a interdit de prendre pour alliés ou d'aimer les mécréants, sans exception, les juifs, les chrétiens, les majous, les mouchriquines, les athées, les gens qui sont sortis de la religion et autres. Peu importe les catégories de koufars qu'ils sont, c'est obligatoire de les détester, et de ne pas les prendre pour alliés, de ne pas les aimer. Et ça, ça a été établi par le Coran et par la Sunna, et le verdict de la mécréance des koufars aussi, il a été aussi établi par le Coran et par la Sunna. Et ça, c'est un fondement. Tous les savants de l'islam, tous les musulmans sont d'accord sur ce fondement-là. Et il y a des preuves de ça dans le Coran, dans la Sunna, qui sont nombreuses et qui sont bien connues. Donc, tout croyant qui est sur le tawhid, qui a abandonné toutes les différentes formes de kufr et de shirk qui sont mentionnées dans la charia, il est obligatoire de l'aimer et de le prendre pour allié et de le défendre. Et toute personne qui contredit ça, c'est-à-dire qui contredit la foi, qui contredit le tawhid et qui contredit la foi, le tawhid, et qui établit des formes de shirk ou de kufr différentes, eh bien, c'est obligatoire de chercher à se rapprocher d'Allah en le détestant et en s'opposant à lui, et en faisant la lutte contre lui par la langue et par la main selon la capacité. Et il dit que, donc, al-wala wa al-bara, le fait d'aimer et de détester, ou de s'allier ou de se désavouer, c'est quelque chose qui est relié à l'amour et à la haine. Et l'amour et la haine, c'est la base de al-wala wa al-bara. Et la base, c'est une des bases dans la foi aussi. Parce que une des bases de la foi, c'est que tu aimes pour Allah ses prophètes et ceux qui le suivent. Et que tu détestes en Allah ses ennemis et les ennemis de ses messagers. Et il dit que toute personne qui a été décrétée comme étant mécréant par la charia d'Allah, eh bien, il est obligatoire de le déclarer comme tel, c'est-à-dire de le déclarer comme étant mécréant, comme les juifs, les chrétiens, les mouchriquins, les koufars, ainsi de suite. C'est obligatoire de les déclarer comme étant des koufars. Et celui qui ne le déclare pas kafir, celui que Allah et son messager ont déclaré kafir, si quelqu'un il refuse de dire d'eux que ce sont des koufars, alors il est lui-même kafir, parce qu'il a démenti Allah et son messager. Et ça, c'est lorsque on lui a montré clairement son kufr avec les preuves de la charia, et puis qu'ils refusent de l'accepter ou de dire que ces gens-là sont des kuffars, alors dans ce cas-là, cette personne-là elle-même sera considérée comme étant un kafir elle aussi, parce qu'elle elle dément, elle dit le contraire de ce que Allah et son messager ont dit. Donc on a terminé, Inch'Allah, ce chapitre. Ça a été un peu long parce que c'était assez, c'était un sujet assez, disons, sérieux et compliqué. C'est pas si simple, c'est pas si facile à clarifier. Et il y a beaucoup d'autres détails qui existent au sujet de cette question-là que les savants ont mentionné. Mais c'était juste pour faire comprendre en fait que il faut pas, on peut pas à notre époque comme espérer ou souhaiter traiter les pays qui sont par exemple dirigés par des communistes ou par des socialistes ou des choses comme ça, puis dire aux musulmans il faut déclarer tous les pays qui les aident pas comme étant des pays koufars, comme certains le font aujourd'hui, et ils tiennent pas compte de la réalité des différences qui existent entre les différentes réalités de ces pays là aujourd'hui. Donc il faut tenir compte de ça. Et ça, c'est un point important dans ces questions-là. Souvent, c'est ceux qui critiquent, par exemple, l'Arabie Saoudite par rapport à ses positions, eh bien, ils se contredisent dans leur façon de, justement, de juger, parce que ils critiquent l'Arabie Saoudite pour certaines choses, et par exemple, d'autres pays, ils disent, ah, ça, c'est des pays musulmans, qu'il faut les aider, et que ceux qui les aident pas, c'est pas des musulmans. Alors qu'ils ne réalisent pas que dans ces pays-là, il y a des choses qui sont justement en opposition avec la charia, en opposition avec le tawhid, en opposition avec beaucoup d'éléments de l'islam, et puis ils ne disent rien. Hein? Ils ne disent rien là-dessus. Et ils se basent soi-disant sur une portion de la population de ces pays-là qui sont musulmans, qui sont sur la sunna, mais que c'est pas eux qui ont le pouvoir dans le pays, c'est pas eux qui dirigent, et ils sont parfois même opprimés dans ces pays-là. Par les autres groupes ou les autres partis qui sont en force dans le pays. Wallahu ta'ala a'lam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et le prochain cours, Inch'Allah, ce sera le point numéro 6 qu'on va expliquer. Et le point numéro 6, c'est au sujet du fait que l'islam n'empêche pas de faire des alliances avec les koufars. L'islam, même si elle ordonne de se désavouer des koufars, elle n'interdit pas de faire une alliance avec des koufars dans certaines circonstances ou dans certains cas. Et on va parler de ça au prochain cours, Inch'Allah. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.